l'année repose sur la pantry. Serais-je lui plaire, moi cela avec mon café, que d'une main sans sucre brasse à le noircir, pour que la couleur de l'âme rejoigne celle de mes pensées. Le grippin crie famine, ses âmes à deux tranches ou à quatre, il rend l'âme. Au frigo, les best before 6 mai, à la poêle, yeux frits crevés, tournés. Toastery à cube du jus, c'est moi pourtant hier qui avait trop bu. Toastery, si j'avais su, t'as pas de quoi être fier, m'en montrer ton cul. C'est facile d'être vulgaire au four, au bacon frit, au bacon cuit. Couché sur le napperon, prends-moi vite, quick! Aussitôt dit, aussitôt fait, le jus d'orange fait son effet. Le couteau du tiroir invade ton corps. Il tranche les patates comme tes seins. Mes tomates en fesses, mes céleris en cuisses. Mais il hésite à couper la saucisse. Toastery à culture. C'est moi pourtant hier qui avait trop bu. Toastery si j'avais su. T'as pas de quoi être fier m'avoir montré ton cul. Par la fenêtre matin, faudra changer la vitre de vin. J'te jure que si j'attrape le camelot là, ça lui coûtera pas moins qu'un bras. Toastery à culture. C'est moi pourtant hier qui avait trop bu. Toastery, si j'avais su. T'as pas de quoi être fier de m'en montrer ton cul. Ma mallette, t'es déjà parti travailler. Si je veux être en retard, je t'aussi bien d'y aller. 5, 6, 8, 9, 7, 3, 2, interurbain le matin. Café gaufre, sucre patate, sous-marin. Toastery à cul du tu. C'est moi pourtant qui avait trop bu. Toastery si j'avais su. J'aurais pris congé, peut-être qu'on aurait pu.